bats les couilles, hein. Ce que tu penses, hein. Rien à foutre, hein. Je fais mes bails, hein. J'ai charbonné jusqu'au matin. Laisse-le parler s'il croit qu'il m'atteint. J'ai demandé de l'aide, ils faisaient semblant de pas comprendre comme si je leur parlais latin. Donc bats les couilles, hein. Ce que tu penses, hein. Rien à foutre, hein. Je fais mes bails, hein. J'ai charbonné jusqu'au matin. Laisse-le parler s'il croit qu'il m'atteint. J'ai demandé de l'aide, ils faisaient semblant de pas comprendre comme si je leur parlais latin. Posé dans le bloc en détente, levé 8 heures répétante, un pitard rien tiré à la manche, longue la file d'attente, que des gros chocs à 50, mauvaise idée qui me tente, kilo ballon d'alicante, de quoi remonter la pente, ça fait la guerre pour des tas de papiers, ne t'aventure pas si tu n'as pas pied, prépare la guerre, ouais, si tu veux la paix, que des petits déterres à la Mbappé, jamais j'oublierai le mal qu'on m'a fait, liberté égalité, pas tout à fait, ça préfère aller dîner que d'aller taper, si le petit reste manque, il faut le baffer, pour toi on ne peut pas tout faire, le time illimité, on a charbonné, charbonné tout l'été, beaucoup font les mecs grimés, c'est que des fois le fils de putain, quand j'avais besoin où t'étais, la marche arrière est cassée, je peux plus reculer, plus d'un JS qui dit te faire enculer, ils se prétendent vrai, mais ne font que simuler, tant de violence pour tant de haine accumulée, bats les couilles, hein, ce que tu penses, hein. Rien à foutre, hein. Je fais mes bails, hein. J'ai charbonné jusqu'au matin. Laisse-le parler s'il croit qu'il m'atteint. J'ai demandé de l'aide, ils faisaient semblant de pas comprendre comme si je leur parlais latin. Donc bats les couilles, hein. Ce que tu penses, hein. Rien à foutre, hein. Je fais mes bails, hein. J'ai charbonné jusqu'au matin. Laisse-le parler s'il croit qu'il m'atteint. J'ai demandé de l'aide, ils faisaient semblant de pas comprendre comme si je leur parlais latin. Partout c'est tout pour le pain. Je suis pas tout seul, on est plein. Depuis petit dans le pain. Gucci Dolce il est plein. T'as tout flammé pour un tapin. Tu parles de shit, ton pétard plus le sapin. Dis-moi qu'est-ce que tu connais de la galère. Depuis tout petit t'as tout de quoi tu te plains. Tu vas parler jusqu'à demain. Dans le besoin très peu de t'en prends la main. Pour toi c'est un braquage vocal, oh les mecs. Je resterai fidèle, ouais toujours le même pour les miens. Que des putains de traîtres qui font les mecs. Après ça vient pour sucer à Johnny Mec. Je vois que des putains de focus tous les mecs. Ils font la bise espérant en fond. Te la mettre, te la mettre, te la mettre. Deux contre la tête, tout est noté. C'est ton bizarre, c'est ton culotté. Beaucoup de schizophrènes m'a rabouté. J'ai pris sur la paquette pour la goûter. C'est sûr de toi, m'en faut jamais douter. Te lance pas si tu sais parce que ça va. Une fois que t'es dans la merde, ne viens pas te plaindre. Ton conseiller, tu refuses d'écouter. Bats les couilles, hein. Ce que tu penses, hein. Rien à foutre, hein. Je fais mes bails, hein. J'ai charbonné jusqu'au matin. Laisse-le parler s'il croit qu'il m'atteint. J'ai demandé de l'aide, ils faisaient semblant de pas comprendre comme si je leur parlais latin. Donc bats les couilles, hein. Ce que tu penses, hein. Rien à foutre, hein. Je fais mes bails, hein. J'ai charbonné jusqu'au matin. Laisse-le parler s'il croit qu'il m'atteint. J'ai demandé de l'aide, ils faisaient semblant de pas comprendre comme si je leur parlais latin. Bats les couilles, hein. Ce que tu penses, hein. Rien à foutre, hein. Je fais mes bails, hein. J'ai charbonné jusqu'au matin. Laisse-le parler s'il croit qu'il m'atteint. J'ai demandé de l'aide, ils faisaient semblant de pas comprendre comme si je leur parlais latin.